La Russie révèle que plus de 70 navires de guerre sont déployés dans des missions de combat à travers le monde. Par la rédaction de Inaibi. Le ministère russe de la Défense a révélé que plus de 70 navires de guerre russes effectuent actuellement des missions de combat dans diverses mers et océans. À l'occasion des glorieuses vacances, le commandant en chef de la marine russe, l'amiral Nikolaï Yevmenov, a félicité les équipages de plus de 70 navires de guerre russes qui accomplissent leurs missions de combat dans diverses régions du monde. Le ministère a indiqué qu'un dîner a été organisé dimanche pour le personnel militaire qui sert à bord de ces navires de guerre, sous-marins et navires de soutien. Plus récemment, la marine russe a effectué des exercices à grande échelle dans la mer Baltique, la Méditerranée et la mer Noire, tout en continuant à montrer sa force navale à travers le monde.